vous, appelle le 02 38 43 48 00. Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Relève magique système, ça c'est de ce qu'on aime. Partout c'est la même, pas pratiquer. tient dans nos mangos. De nouveau à Paris pour changer la météo. On n'est pas fatigué, oh. Toutes les filles me disaient, oh. On ne peut s'empêcher avec Ryan Bieber show. De jouer les belles go. Go, go, go, go, go. On met l'ambiance, y'a pas de problème. Khaled Magic System, ça c'est de son qu'on aime. Partout c'est la même, pas fatigué, c'est le thème. Pas tout de suite, hein. En tout cas hier Paris, ça y est, ils ont perdu, hein. C'est fini, hein. Ouais. Beau match quand même, hein. Sympatoche. Si vous voulez réagir, vous m'appelez 02 38 43 48 00. La météo pour demain. La météo. Ouais, demain matin, le ciel est couvert et nuageux, malheureusement, avec des risques d'averses tout au long de la matinée. Le soleil devrait revenir dans la journée et encore des risques d'averses en fin d'après-midi. Les températures au lever du jour, 16 degrés et on va quand même dépasser les 26, 27 degrés. Ouais, ça va faire du bien, un peu de chaleur. Vous qui venez de rentrer de vacances là du Portugal, bah oui, un peu de chaleur caliente. 16h38 minutes, on sera avec l'Union Portugaise de leur football. Ils recrutent des joueurs, on en parlera avec Fernando au téléphone à 17h en live sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Alexis Figo. De la discoteca, sube la tarima porque tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca. Dile a tu novio que no se meta. se quita, y si se quita solo en la ropita. Se lo quita pa' besarle la boquita, pa' llamándole la colita enterita, bebé. El país se encendió, la temperatura caliente, latiendo mi corazón, con su cuerpo tan ardiente. La rumba se formó, y acá hay un mantelín de mujeres que no se acaba ni nunca para. Se desentó en el ambiente. Quand c'est 16h41 minutes, heureux de vous retrouver avec le soleil aujourd'hui, ouais, c'est mitigé, hein, heureux. Edouard qui est là du côté d'Olivier qui me dit salut Francky, belle journée. Et puis du son, des nouveautés pour vous avec Kigo qui reprend à merveille Tuner avec What's Love Got You Do Hit. Et ça, on adore à la radio. Écoutez, c'est une nouveauté, c'est déjà sur Aller en Ciel. You must not understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. God calls to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love? D'énergie, Tina Turner, hein, 70 balles passés avec Kigo, What's Love Got You To Hit. After Job avec Francky l'après-midi. Puis nouveau dépistage gratuit et sans rendez-vous, sans ordonnance organisée sur l'agglomération d'Orléans. Si vous voulez vous faire dépister pour le Covid-19, eh bien c'est le mardi 25, donc demain, à 9h jusqu'à 16h, c'est au quai Fort Alôme à Orléans. Et le samedi 29, à partir de 9h jusqu'à 16h, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Pour tout renseignement, vous appelez la mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Voilà, si vous voulez vous faire dépister totalement, gratuitement, dans moins de 10 minutes, on sera au téléphone avec l'Union portugaise. Toulouse. Ils recrutent des jeunes joueurs, des jeunes joueuses, pourquoi pas. On va en parler avec Fernanda au téléphone, ça sera en live à la radio. Heureux d'être avec vous, 16h46 minutes, la température qui commence à monter. Et ben ça tombe bien, il arrive. Ah ouais, il arrive, la Tempala, tout là. Ça c'est les débuts de Maluma. On adorait à la radio et on adore toujours le Maluma, le son caliente. Coucou à Steph qui est du côté de Orléans, qui dit salut Francky, du soleil, ça fait du bien dans les oreilles. Ben il arrive, Maluma sur un arc-en-ciel. On est en direct jusqu'à 18h30. Salut la famille des Zinzins. Suba, suba, que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Vestidura, que suba, suba la temperatura. Estoy calentando, si lo estoy provocando. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Vestidura, pa' que suba, suba la temperatura. Hello, baby. Suba, suba mi cuerpo, que con tu cintura se ajusta. Que no me hagas preguntas, si ese pelo lacio. Esos dos mesitos de gimnasio, me tienes volando en el espacio. Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá. Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Te juro que esa noche te estoy bailando en mi cama. Te asomame segundo a ti, sí, amor. Ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio. Te juro que esa noche te estoy bailando en mi cama. Avec Maluma, la tempête dans tout là qui commence à monter. Bonjour, un big up à Estelle qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Bray. Et puis dédicace du côté de Loury aussi pour Gaël. Eh ouais, la belle Gaël qui nous écoute 96.2 FM. Petite dédicace avec Émilie qui reprend à merveille ce titre Je n'ai que mon âme de Natacha Saint-Pierre. Et on adore à la radio. Puisque ton cœur. Pour te parler de moi. fait du bien de l'amour, hein. Dans ce monde de brut en ce moment, 16h52 minutes. Elle s'appelle Emily Shade et on adore. Avec Francky, l'après-midi. Et puis il y a mon Ludo qui est dans les studios, ça me fait plaisir, mon petit Ludo qui est venu me voir. Un gros big up à lui aussi. Et puis ses parents qu'on adore à la radio. Elle a une petite dédicace du côté de Loury. Ah ouais, I love you, Loury. On adore Loury. Je sais pas pourquoi, cette ville, je la kiffe en ce moment. 16h53 minutes. On va être avec l'Union Portugaise, les footballeurs. Dans quelques minutes, ça sera Fernanda qui recrute des nouveaux joueurs. Ouais, pour le club. On va en parler avec elle en direct avant 17h. Ça va être du très très sport aujourd'hui. Et puis plein d'invités à la rentrée. J'aurai la mère de Fleury, j'aurai les Panthères, j'en ai tellement. J'ai préparé un programme de dingue pour le mois de septembre. Et puis plein de nouveaux sons aussi pour vous. Coucou à Stéphanio, tiens, je connaissais pas ce prénom. Stéphanio qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Salut Francky, merci à toi. Belle journée. Ouais, belle journée mon ami. Ça c'est sur Messenger, hein, le son qui arrive. 47 terres, on avait dit qu'on ferait plein de choses avant le Covid. Ouais, mais malheureusement, on est bloqué encore nous, par exemple les discothèques. Mais on va revenir en force, ça c'est promis. On avait dit, voici 47 terres, c'est sur Radio Franciel. Hey, on n'aura jamais le temps de tout faire. On n'aura jamais le temps de remettre le couvert. Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas. Une vie ne suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine. Je veux d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais. Genre de fils comme Luca Toni ou bien Jamel. J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur. Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur. J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu. J'aurais bien fait du rap de test mais je connais pas la rue. Ma force de vous écouter au PJ plaquette à couper. Je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenir. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie. Je vais essayer celle-là et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit quand on était des petits qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths. C'est bien parti, on a quitté notre table. On est prêt pour se parler. Si je referais la même, s'il y en a pas, je sais pas si je dois faire attention à ma vie. Est-ce que je meurs d'audé dans 10 ans ou je vis jusqu'à 80 piges? Je pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tort. Je voudrais des vies à leur vidéo, moi je ferais moins d'efforts. J'irais dessiner faire un. Ils sont malheureux, allez viens avec moi. Je t'embarque dans ma galère, dans mon âge, pas de place pour tous les marmots. Avant que ce monde devienne. Grand cimetière, profitez un peu du vent qu'on a dans le dos. Lola, je t'invente quand tu vas. Allez, Franciel, 17h01, c'est ce que je voulais dire. Morgane de toi, c'est la reprise de Renault par Claudio Capeo. On adore la radio. After Job avec Francky l'après-midi. Avec Francky l'après-midi, enfile tes crampons et rejoins l'Union Portugaise. On est avec Fernanda normalement au téléphone. Bonjour Fernanda. Bonjour Arc-en-ciel, salut Francky. Comment tu vas bien? Alors je suis pas du tout portugais. On dit quoi, Bandia, Storci ou Botardé, je pense? Non, Boitard. Ah bah Boitard alors, Boitard. Boitard. Comment ça va? T'es parti un petit peu en vacances avant de... Non, pas du tout. Je suis pas partie cette année. Ah ouais. Avec l'histoire du Covid, ouais. J'ai préféré m'abstenir de partir au Portugal. Donc ça sera plutôt après en fin d'année, je pense. Plus en fin d'année, ouais. Il y en a pas mal qui sont pas partis. Et pourtant, nos amis portugais, hein, tous les mois d'août, hein, c'est Portugal, hein. Ah oui, bah ça, oui, je suis d'accord. Il y en a quand même beaucoup qui sont partis. Hein, mais, ouais, c'est sacré. Hein. Et pourquoi on choisit le mois d'août, nos amis portugais? C'est toujours quasiment le mois d'août, tu sais, non? Généralement, c'est une histoire de famille, je pense. Il y a beaucoup De gens, ouais, qui sont émigrés et le mois d'août, c'est la période où tout le monde se retrouve un peu là-bas. Donc à les gens qui sont en France, à ceux qui sont un peu en Belgique, enfin dans les pays européens. Et du coup, c'est vrai que c'est au mois d'août, généralement, que tout le monde se retrouve là-bas pour des grandes fêtes de famille, quoi. Et tu sais que j'ai jamais été au Portugal, il faudra que j'y aille avec Gaël. Je vais y aller l'année prochaine, peut-être, hein, passer quelques jours. Ah bah, je te le conseille, parce qu'il y a vraiment des coins très beaux. Après, sans parler, évidemment, des grandes villes comme Lisbonne et Porto, mais il y a vraiment des beaux coins à visiter, quoi. Alors c'est vrai que ça fait 4 ans que je suis à la radio, j'étais souvent invité par l'ancien pilote de moto, Alex Aran. Je sais pas si tu connais, pilote portugais. Non, de nom, je connais pas. Grand pilote de l'époque, je salue au passage. Il m'a invité souvent dans sa maison au Portugal. J'ai jamais été, mais il faudra que j'aille. On va parler de l'Union portugaise si tu veux bien, Fernanda. Ouais, tout à fait. Alors, je suis tombé à la radio sur votre belle affiche. Elle est sympathique, cette affiche, hein. L'Union portugaise, saison 2020-2021, qui recrute des jeunes joueurs, toutes catégories. C'est entre 5 et 16 ans. Tu peux nous expliquer un petit peu, Fernanda? Oui, alors tout à fait. Alors en fait, l'Union, pour te faire un petit résumé rapide, donc c'est une association qui est présente sur Orléans depuis 45 ans maintenant. Ah là, c'est plus vieux que la radio encore. Oui. Alors on allait fêter normalement cette année les 45 ans, mais alors à cause du Covid, du coup, on n'a pas pu faire de rassemblement. Bah nous aussi, t'as vu, on n'a pas fait les balles, on n'a pas fait tout ça. Hein. La Saint-Jean comme d'habitude. Bon, du coup, je pense que ça c'est que partie remise. Bien sûr. On essaiera de refaire ça un peu plus tard. Et en fait, à la base, c'est pas qu'une association sportive, c'est aussi une association sociale à la base. Ouais. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, parce qu'avant c'était surtout les seniors, le foot senior, et depuis une quinzaine d'années, on a ouvert un peu le foot animation. Donc, c'est à partir de 5 ans. Et en fait, on a quand même, on trouve qu'on a quand même beaucoup plus de licenciés qu'avant, surtout au niveau des jeunes, et on aimerait que ça se poursuive. Bah, j'ai l'impression que les jeunes, avec tout ce qui se passe à la télé, on voit tous les grands joueurs, ça leur donne peut-être envie aussi aux gamins de jouer au football, de peut-être un jour devenir une grande star comme tous ces grands qu'on voit sur les écrans peut-être aussi, c'est ça? Après c'est vrai que le foot ça a toujours été, ça reste encore un sport très populaire au niveau des enfants, et donc c'est vrai que tous les débuts d'année, on en a beaucoup qui veulent venir essayer. Après c'est vrai que on en a quand même quelques-uns qui viennent essayer, mais finalement ça leur plaît pas forcément parce que c'est pas forcément comme ce qu'on voit à la télé, donc mais après autrement on a quand même un groupe assez solide qui nous suit depuis quelques années. Mais après voilà, on recherche toujours des joueurs pour alimenter un peu nos équipes jeunes, quoi. Et aussi nos équipes seniors, parce que là on a parlé des jeunes, mais il y a aussi les seniors aussi. Alors pour expliquer aux gens qui connaissent pas l'Union portugaise, ça se trouve où le stade, les entraînements, tout ça, on peut expliquer un petit peu? Nous on s'entraîne à Lillaro, donc c'est à l'hippodrome, sur l'avenue du Champ de Mars, donc entre le pont de l'Europe et le pont Jeuf. D'accord. Nous nos entraînements c'est le mardi et le jeudi. Donc on a le stade pour nous, donc à partir de 18h15 t'as toutes les catégories jeunes, et à partir de 19h30 donc t'as les seniors, donc les seniors masculins, mais t'as aussi les filles qui s'entraînent aussi. Qui s'entraînent. Il y a des filles aussi. Bah justement, je voulais te poser la question, est-ce qu'il y avait des filles qui jouaient à l'Union portugaise? Bah, il y en a. Oui, alors ça va faire maintenant 6 ans qu'il y a une équipe féminine. D'accord. À l'Union, dans laquelle je joue aussi. Intéressant. Et effectivement, on cherche aussi toujours des joueuses, qui soient confirmées ou pas, des filles qui ont envie d'essayer. On ouvre la porte à tout le monde. Et puis, alors, en plus, cette année, on est plus sur une optique un peu de loisir. Donc, il n'y aura pas vraiment de compétition. Ouais. Pas vraiment que des entraînements et des petits matchs amicaux à l'occasion. Mais c'est vraiment là que pour le plaisir de se retrouver et de jouer au foot. Alors, on n'est pas à un niveau de fou. Hein. Oui, bien sûr. C'est de l'amusement. C'est du plaisir, comme tu le dis. Hein. Oui, c'est exactement. Ça. Et alors, avec toutes les normes qu'il y a, hygiène, etc., le Covid, comment que ça se passe? Alors, les entraînements, il y a des règles à respecter maintenant dans les vestiaires, avant, après, je sais pas, Fernanda. Donc là, on a eu un protocole de la mairie, parce que du coup, les terrains sur lesquels on s'entraîne, c'est les terrains de la mairie d'Orléans. Donc, on a eu un petit protocole à suivre. Donc, en gros, on n'aura pas accès aux vestiaires. Donc, en fait, aux entraînements, il faut que les enfants viennent directement en tenue de sport. Oui, il n'y a plus de vestiaires. D'accord. Ouais, il y a plus de vestiaires. Après, d'ici septembre, je pense qu'ils vont un peu réactualiser parce que ça va être un peu compliqué à mettre en place pour les matchs. Donc, on sait pas trop encore ce qu'il en est, mais en tout cas, pour les entraînements. Si tu veux, l'été, ça va, mais alors l'hiver, quand il va commencer à cailler un peu. Ça va être compliqué. Même après, quand t'es trempé et qu'il faut te changer, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. C'est ça. Une bonne douche quand même après un match. D'ici là, je pense qu'ils vont actualiser. Après, nous, on aura à disposition des joueurs et joueuses du gel hydroalcoolique, donc on désinfectera les mains avant et après les entraînements. Chaque enfant où chaque joueur aura un ballon individuel, donc on évite au maximum de se prêter le matériel. Ouais. Et pareil pour tout ce qui est chasuble. Donc après, c'est vrai que c'est ah ouais, les chasubles, ouais, d'accord. Voilà, donc c'est une mise en place qui est un peu compliquée pour nous parce que du coup, ça demande un peu plus de matériel que ce qu'on a normalement. Donc, bah oui, parce que les ballons normalement, on se les passe, on en a un pour 5-6, voilà, je sais pas. Et maintenant, il faut plus de matériel. Là, on en avait généralement, on en avait un pour 3 ou un pour 4. Là, du coup, c'est vrai que c'est un coût supplémentaire. Donc, puis en plus, en cette année compliquée, là, de Covid, on a quelques partenaires qui malheureusement, n'ont pas pu trop nous aider. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est vrai qu'en début d'année, on essaye un peu de chercher des sponsors qui seraient intéressés. Là, vous cherchez encore, ouais. On cherche des sponsors toujours. Bah, justement, on va lancer l'appel, Fernanda. Ouais, bah, voilà. Si y a des gens qui veulent nous filer un coup de main, on sera ravis de les accueillir parce que c'est vrai que là, avec les normes qui sont mises en place, c'est un peu plus compliqué. Ouais. On a un peu plus de dépenses. Mais bon, après, on va toujours s'arranger. Il n'y a pas de souci. Bah oui, vous qui êtes de l'autre côté de la radio, là, si vous avez des sociétés en ce moment, vous voulez sponsoriser les gosses, la Lyon portugaise, et ben, allez-y, n'hésitez pas à nous contacter à la radio ou on peut donner ton numéro de portable, peut-être pas l'antenne, mais on peut te donner à la radio. Ils peuvent se contacter. Puis tu donnes mon numéro. Et puis après, bah, comme pour tout ce qui est don à des associations, il y a des réductions fiscales. Sur les impôts, c'est ça, voilà. Exactement. Voilà. Une belle association. Est-ce qu'il y a une cotisation, alors, à l'Union portugaise pour les jeunes, les moins jeunes Effectivement, pour la cotisation, c'est à partir de 55 euros pour les plus jeunes. Ouais, c'est pas très cher. Jusqu'à U11, et après, à partir de U13, c'est 65 euros. Donc, ça va, c'est abordable. À l'année. Ça reste quand même un sport qui est vraiment pas cher. Mais c'est vrai, le foot pour l'équipement, c'est un des sports les moins chers, je crois, parce que bon, le short, les chaussettes, etc., les crampons, ça coûte plus trop cher maintenant, on va dire, c'est vrai. Tu trouves tous les prix, et puis c'est vrai que la licence, nous, chez nous, elle est vraiment abordable. Ouais, c'est clair. C'est ce qui permet un peu aussi à certaines personnes qui ont un peu plus de difficultés, c'est vrai, de pouvoir quand même mettre leur enfant et leur faire faire du sport. Et puis le sport, c'est bon pour la santé, hein. Ouais, il faut en faire, moi je vous le dis, hein. Moi j'en fais plus depuis longtemps, hein. Je suis un vieux maintenant, mais j'ai on a une équipe de vétérans. Ah merci, hein. Merci. Tu peux venir. Ouais, avec les vieux, je vais m'entraîner avec les vieux, ouais. Ils sont pas forcément vieux, c'est à partir de 35 ans. Bon bah ça va alors, on n'est pas vieux. Tu peux quand même venir t'entraîner, c'est les lundis soirs. Donc ce soir, si tu veux, tu mets des crampons, 19h30 à Bilaro. Ah bah là, Tu peux venir taper dans le ballon. Ah voilà, je vais venir taper alors. En tout cas, merci de nous avoir donné la parole, Fernanda, pour l'Union portugaise. On rappelle que si ça vous intéresse, eh bien vous m'appelez sur le standard de la radio, là, 02 38 43 48 00. Vous nous appelez et puis on vous mettra en lien directement avec Fernanda de l'Union portugaise. On fait comme ça, Fernanda? Ouais, ça marche. Bah, merci à toi. Bah, je t'en prie. De nous avoir laissé tu me feras un chèque à la fin de l'émission, hein. Je t'enverrai mon RIB. Pas de problème. On t'enverra un maillot dédicacé. Ouais, y a pas de problème. Ça ferait plaisir, en tout cas. Bon, par contre, on peut en parler régulièrement. De temps en temps, quand je fais l'émission le lundi, mardi, on s'appelle, Ce qu'on compte faire aussi cette année, un peu, c'est de développer aussi un peu l'aspect social, un peu comme vous faites avec Arc-en-Ciel, vos balles régulièrement. Ouais. Là, on va essayer de faire un peu des soirées où on va essayer d'inclure un peu nos parents, qui sont pas forcément que portugais, qui sont quand même attachés un peu à cette association et à cette Union portugaise. On va essayer de mettre en place quelques soirées un peu à thème portugais. C'est bien. Avec quelques activités vraiment liées au Portugal. Donc après, on verra les infos. Et puis si tu pourras aussi. On peut tout relayer. On est là pour ça, les médias, hein. Si tu veux un petit coup de pouce des fois avec la mairie d'Orléans, tu peux me le dire, parce que moi j'ai quelques relations avec la mairie. Je vais recevoir le bras droit de Serge Groin dans 15 jours, tu vois. Tu m'appelles, hein. Moi je peux passer 2-3 coups de téléphone, hein. Ça nous intéresse. Je t'en reparlerai un peu en antenne parce que c'est un sujet un peu délicat. Ouais, on en parle, hein, pas de problème, hein. Moi je suis honnête et sincère, hein. J'ai quelques relations à la mairie, voilà, je le dis, hein, haut et fort. D'accord. Puis je suis à l'antenne, hein, j'ai pas peur de le dire. Ça peut toujours nous faire surtout en ce début d'année là, et en ce changement. Alors pour te dire que l'adjoint au sport, c'est un pote à moi, c'est Thomas Renault, l'ancien gardien de but de l'USO Orléans. Thomas, il vient à la radio là bientôt. Moi après je tombe en relation avec lui, si tu veux des petits coups de main, il va, bien sûr. En plus Thomas, ancien gardien de but, forcément qu'il va vous filer un coup de main dans tous les domaines. Hein. J'espère. Voilà. Merci Fernanda de ton témoignage, 17h12. Très bien, bah merci à toi Francky, bonne continuation et puis un de ces jours. Et puis on se rappelle tout à l'heure en antenne, ok? Ouais, ça marche. Okay, belle journée. Salut. Merci. Salut. À plus tard. Rien qu'on s'y est en direct avec l'Union portugaise aujourd'hui. C'était Fernanda au téléphone. Ça nous fait plaisir de parler football. Voici Van Bailalo à la radio.

Visite-nos já em bancobcp.fr e agenda um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. After Job avec Francky l'après-midi. Je suis là jusqu'à 18h30. Là, ça va vous rappeler quelques bons moments, quelques bons souvenirs peut-être avec la bande originale du film Coyote Girl avec Ryan Reynolds. Can't Find the Moonlight. 17h20 minutes sur la France et la météo qui arrive. Ça vous rappelle des bons souvenirs, ça, à l'époque hein, du film Coyote Girl, les filles qui dansaient sur le bar, hein, qui avait parti de rien, la fille, et puis elle a réussi sa belle carrière dans le bar, dans le gogo dancing, comme on appelle. La météo qui arrive pour demain, 17h22, quel temps va-t-il faire demain matin? Eh bien, on a la réponse. La météo, demain, eh bien, le ciel est couvert. Dès que j'ouvre la page météo, voilà, je l'avais fermée. 16 à 27 degrés, le maximal. Demain matin, des averses, malheureusement, sur la région, avec pas mal de nuages. Ça va être très, très nuageux. Le retour du soleil dans l'après-midi, avec encore des nuages et du soleil. Ça va être mitigé, du son qui arrive. Et pas d'oxa sur l'arc-en-ciel. Não dá mesmo para parar, tá, dá mesmo para controlar. Pascal qui me dit je suis en train de danser la kizomba dans la bagnole dans les bouchons, puis il y a Monsieur Feria qui doit être avec nous au téléphone. Bon tardé, c'est comme ça qu'on dit. Bonjour Monsieur Feria. Bonjour, comment ça va? Et comment tu vas bien toi? C'est ça que c'est bon, hein? Bah oui, c'est ça que c'est bon. Comment il va bien? Il y a longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, Monsieur Feria. Bah oui, t'as été en vacances. Ah bah ouais, bah ouais, je suis pas parti longtemps. Hein. Toi t'es parti longtemps au Portugal, non? Bah non, j'ai pas été encore. Ah tu pars quand? Tu pars pas cette année? Non, pas d'octobre. Ah, octobre, ouais. Tout le monde a repoussé les vacances du Portugal, hein. C'est ce que me disait Fernanda aussi, il n'y a pas été au mois d'août, là. Est-ce que ça te manque un peu, les vacances au Portugal? Bien sûr. Eh ouais, hein, comme beaucoup d'ailleurs, hein. Ouais, ça va vous manquer. Tu sors du boulot peut-être, là, alors, du coup, non? Voilà, tout à fait. C'est ça que c'est bon, hein. Quand on sort du boulot à 17h, on écoutera Radio Arc-en-Ciel, on est bien avec le soleil, hein, mon ami, hein. Voilà. Bon, c'est quoi le programme de cette soirée? Bon, allez voir une petite bière et aller à la piscine. Bah voilà, à la piscine, chez toi, c'est à la maison ça? Bah oui, à la maison. Ah ouais, bah moi j'ai pas de piscine, hein. Attends, ouais, j'ai pas les mêmes moyens que M. Ferrien d'avoir une piscine. Hein. Tu passes à la maison, y'a pas de piscine? Ah bah je passe, tout le monde m'invite partout, je dois aller jouer au football, je dois passer à la piscine chez toi, je vais avoir un planning chargé mon ami, mais je passerai avec plaisir, d'accord? Ok. Tu veux passer un message peut-être, non? Une dédicace, quelque chose? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est juste comme ça? Un petit coucou. Eh ben, ça me fait plaisir. Des gens qui nous appellent comme ça l'après-midi, mon ami. Allez, je t'embrasse. Merci. Eh, bonne bière, hein. Attention. Merci. Allez. Eh, salut, mon ami. Et je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein. C'est super important. El Reggaeton, Lucenzo qui revient en force. Eh ouais, on l'aura bientôt à la radio en direct. Aïe, aïe. Comme un blaster, toujours à l'émotion tourne sur ta playlist. On arrive au fichal et mon équipe est sur la piste. Mon style est révolutionnaire comme Fidel Castro. J'ai trop de niveaux et des ennemis, j'en casse trop. Reggaeton fever, pas de papi chulo. Mueve tu culo, sino va fan culo. Mami, baila conmigo. 17h28, ça c'est les débuts de Lucenzo, Reggaeton Fever sur Alarmonciel. Vous qui sortez du boulot, oui, parce que c'est vrai que le boulot c'est d'un boulet aussi. On vous souhaite un bon début de soirée, ouais, parce qu'il est déjà 17h28. Bonjour à M. Feria qui va aller dans la piscine avec une bonne bière. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, puis je pense que ça va être une super boc. Voici Bailando pour la mort, Juan Magan avec Pitbull sur Alarmonciel. Son las más pudidas, solo deja la muela chiquita. Ajá, sí, que ayer te vi por ahí. Bailando, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices. C'est le meilleur des sons latinos sur la Franciel, non? Et y'a Gaël qui t'a bu ou quoi? Non, j'ai pas bu, j'ai mal à la gorge en fait. Avec la clim dans les studios, en fait, on a la clim juste au-dessus. Et c'est vrai qu'on chope des mal de gorge. Ça, c'est des potes de Bordeaux. Il y a presque 12 ans quand même. Mes potes Jimmy, Ayaman avec OUA. Et c'est du zouk et c'est déjà sur la Franciel. Je pense la tristesse me gagne, égale, écoute-moi. garder le souvenir avec eux. À l'époque, sur Bordeaux, quand je faisais Black Box à Bordeaux, ouais, c'était énorme ça. Jimmy Ayaman, ou un On Adore sur Radarconciel. Et puis à partir de septembre, il y aura plein, plein d'invités. Et je vous ai préparé une tonne d'invités. Il y aura Sandra, la présidente des buralistes. Il y aura Pascal Tébibel, qui est adjoint à la mairie d'Orléans, au bras droit de Monsieur Groire. Il y aura Thomas Renault, adjoint en sport. Il y aura Carole Canette, la maire de Fleury-les-Aubrais. Il y aura Sonia, du Génie Paris, qui sera là. Il y aura plein de monde, plein de monde. Et Jennifer, donne-moi le temps, donnez-moi le temps de t'aimer. Ouais, I love you. For Gaël. Voici Jennifer, 17h34 sur l'arc-en-ciel. C'est vite. Si l'on savait juste un peu patienter. C'est bien le temps, c'est bien d'attendre aussi. Jennifer, que j'avais fait en interview il y a 7-8 ans. Alors Jennifer, j'ai un pressentiment qu'elle faisait à la télé 1m75 et 1m80. Bah non, elle est toute petite, elle est plus petite que moi. Alors moi je fais 1m63, elle est un peu plus petite que moi Jennifer. En tout cas super sympa. On vous donne le temps de nous écouter comme Monsieur Faria. Ah oui, c'est un enfoiré parce qu'il m'a envoyé une vidéo de sa piscine avec la radio à fond là-dedans. Salut Monsieur Faria, merci d'être là en tous les cas de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux l'après-midi. 18h30, c'est l'after job, l'after work comme vous voulez, après le boulot. La version française de Despacito et On Adore, Sarah H. Écoutez cette voix. Oui, tu sais que je te regarde depuis un moment. Je veux danser avec toi maintenant. J'ai déjà remarqué comment tes yeux m'appelaient. Donne-moi le chemin, je le suivrai. Toi, tu es comme un aimant et moi le métal. Et me rapprocher de toi devient vital. Juste d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Oh, moi, je ne suis pas dans mon état normal. Car ce que je ressens n'est pas très banal.

Je t'avais en 85, mais c'est la date de sortie du groupe, hein, qui a été créé en 1982. When your heart is weak, sur la Laurentielle. Et puis c'était parti en vacances. Si tu viens de rentrer, forcément dans les campings, t'as forcément écouté ce titre qui est toujours numéro 1 dans toutes les radios. Jérusalem à main sur la Laurentielle. C'est Ludo qui me fait rire, c'est pour ça. Il me fait rire, hein. J'adore. Un petit coup, big up à lui. Jérusalem à main. Jerusalem, Ikayalami, Kilo no lo sé, Uhambenami, Sumangishilana, Dauyami, Alikulana, Busuami, Aukulana, Kilo no lo sé. Ai colana, buso a mi, au colana, chi lo non lo sé, su hamdenami, chi lo non lo sé, chi lo non lo sé, chi lo non lo sé, su manishilana. Ça, le mec il est arrivé, Mister 4G comme ça, il a posé ça et puis il a fait un tube, hein, c'est carton sur toute la plaine en ce moment, Jérusalem. Et ça aussi vous adorez pour Totof qui nous écoute sur Olivier. Voici Badox et Contrôle 1, version 2014 sur la Francienne. Agarrar. Esse é o poder do

pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Elena Cortez avec Kekalor, le meilleur des souvenirs des années 2003. Ouais, un bon souvenir latina, ça, on adorait ce titre au bord de la plage. Elena Cortez, la vie du beau côté, bah, il faut la prendre en ce moment, je peux vous le dire, avec le Covid, hein, c'est pas facile. Demain, la météo sera très très changeante, hein, de 16 à 27 degrés, pas mal de nuages le matin avec quelques gouttes de pluie. Le soleil devrait revenir dans la journée, mais encore de la pluie en fin d'après-midi. Les températures 16 jusqu'à 27 degrés. Puis profitez de la grande braderie là, qui démarre jeudi, le 27 jusqu'au 30 avec le meilleur des affaires. Ça sent dans le centre-ville d'Orléans. Voici mon poteau, Kevin Kinvey avec sa soeur Lorelai. C'est la vie du bon côté. Prenez-la. Hey, yo. Il suffisait d'un rien pour que je me sente vexé. Les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser. Mais tout ça c'est du passé. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Quand je fais selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé. Mais vainement, rien ne changerait ces événements. Non. Donc profiter est important. Je n'ai pas envie de nourrir des regrets à 40 ans. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour croquer la vie à pleine. Dans mes selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais vraiment, quand changerai ces événements. Pour ne pas me lamenter, pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Ne pas abandonner. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Pour ne pas regretter. Je donne le meilleur de moi-même pour ne pas me lamenter. Ne pas abandonner. Avec Francky, l'après-midi. Eh, ça nous a fait de la peine, il nous a quitté. Hein. Ça a été un sale cadeau de Noël quand même pour toute la planète. Un grand musicien, il est parti un 25 décembre. Eh ouais, George Michael, avec le tube planétaire. Qui n'a pas dansé là-dessus, franchement, en club? Malheureusement, les clubs sont encore fermés pour l'instant. On est force avec eux. Bien sûr, on fera une émission spéciale la semaine prochaine pour tous les clubs de France. Voici One More Try. C'est George Michael sur Radio Arc-en-Ciel. Sérieux, 25 décembre 2016, il nous a quitté un grand monsieur de la chanson, George Michael. Et je me souviens, j'étais à la radio ici à Conciel, et quand je l'ai annoncé, bah j'ai eu ma larme qui a coulé. Bah ouais, forcément, on a toujours une petite larme qui coule. Et puis aussi une grosse pensée, Radio Conciel soutient tous les clubs du Loiret, les clubs discothèques. On fera une émission spéciale la semaine prochaine pour eux, avec le meilleur des années 90 sous la boule à facettes. À l'époque, on pouvait encore danser, mais ça va revenir, j'en suis sûr. Voici Black Box, la française. Eh ouais, les françaises. Et Run on Time. Quel souvenir, Black Box en 89-90, Run on Time, la bonne époque où on dansait. Eh ouais, mais ça va revenir, promis, juré. Je veux pas cracher dans les radios quand même, mais bon. Allez, un peu de tendresse avant de se quitter. Demain, je serai là à 17h jusqu'à 19h avec plein de nouveautés. Eh ouais, Ellie Goulding, ça vous rappelle forcément un film, un bon film d'ailleurs. Voici Love Me Like You Do. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Rendez-vous demain, 17h, 19h sur votre radio couleur. Salut la famille. You're the pain, you're the only thing I wanna touch. Trânsito está lento na A28 nos